vous suivez la radio Isanganiro, mesdames et messieurs, bienvenue dans son journal dont voici les titres. La 12e édition de la prestigieuse compétition organisée par la radio-télévision Isanganiro, Isanganiro Award, a été remportée par l'artiste connu sous le pseudonyme de DJ Fernando dans son chanson Bellissima. Un prix de 1380 francs bondés pour le Café 16 a été décidé et fixé lors du Conseil des ministres réuni ce mercredi 20 mars. Jérôme Nyonzima, secrétaire général d'État, vous l'entendrez. Les agriculteurs qui cherchent des tuteurs de soutien du haricot volubile y sont demandés de respecter les normes environnementales. Appel lancé par le chef d'antenne provinciale de l'Office bondé pour la protection de l'environnement OBPI à Gitega. Voilà pour les titres. Jean-Marie Mayonga à la présentation. Anselme Mirambona assure la mise en onde. Bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons cette édition par la page agriculture. Le Conseil des ministres qui s'est réuni mercredi dans les dossiers analysés figurait la fixation du prix aux producteurs du café cerise. Ce conseil a fixé un prix aux producteurs du café cerise à 1380 francs bondés, mais ce prix pourrait être revu après analyse de la structure du prix par une équipe qui sera mise en place. Suivez Jérôme Nyonzima, secrétaire général de l'État. Le prix aux producteurs inclut des paramètres clés, notamment la production du café par qualité, le niveau des cours de café, le différentiel qualitatif, les coûts de production des différents maillons de la filière café, les frais de développement du secteur café, la taxe communale et enfin les taux de change du dollar américain par rapport au franc burundais. Après analyse des éléments contenus dans la note, le Conseil des ministres a retenu le prix minimum de 1380 francs burundais par kilogramme de café cerise A, mais qui pourrait être revu après analyse de la structure du prix par une équipe qui sera mise en place. Jérôme Nyonzima, il est le secrétaire général de l'État. Page environnement, le chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBP à Gitega, demande aux agriculteurs qui cherchaient des tuteurs de soutien de haricots volubiles de respecter des normes environnementales. Ceci dit faire une coupe sélective des tuteurs et ne pas couper plus de 4 branches sur un arbre. C'est au moment où les agriculteurs de Gitega s'intéressent beaucoup plus à la culture du haricot volubile et qui exige beaucoup de tuteurs. Gérard Nivigir. Les tuteurs des haricots volubiles s'obtiennent de deux manières, à savoir l'éclaircie et l'élagage, qui ne causent aucun impact négatif sur l'environnement si elles s'élémassent et respectent les normes environnementales, indique Jean-Marie Atungimana, chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Gitega, qui parle ici de la première méthode qui est l'éclaircie. La première manière que je peux dire, c'est l'éclaircie. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de rejets de souches, l'agriculteur peut diminuer les rejets de souches en passant de 6 par exemple à 3 et cela ne cause aucun problème au niveau de l'environnement. Mais par contre, si on fait l'éclaircie d'une façon anormale ou d'une façon qui ne respecte pas techniquement la façon dont on devait faire ça, là vous êtes hors la loi et vous êtes contre l'environnement. Donc on devait respecter ce que dit exactement l'éclaircie. La deuxième méthode qui est l'élagage ne cause pas non plus de problèmes environnementaux. Si elle se conforme aux exigences environnementales, d'où alors Jean-Marie Atungimana invite tout le monde à chercher les tuteurs du haricot volubile en pensant à la protection de l'environnement. Il peut aussi obtenir les tuteurs par la façon technique d'élagage, c'est-à-dire on débranche quelques branches sur l'arbre et si on coupe 3 ou 4 branches, cela ne peut pas causer aucun impact de l'environnement. Vous saurez qu'il y a certains gens qui coupent des branches jusqu'au sommet, jusqu'à même couper la tête d'un arbre. Cela est en dehors de notre technique. Donc cela causera un impact aussi dans l'environnement. C'est pour cela que nous invitons à tous, chacun, de bien vouloir chercher ces tuteurs à respecter les normes environnementales ou à respecter les méthodes adaptées pour la recherche de ces derniers. C'est au moment où actuellement les agriculteurs de Gitega s'intéressent beaucoup plus à la culture des haricots volubiles qui exige beaucoup de tuteurs. Ces agriculteurs expliquent que ce type de haricots est très productif, mais qu'il manque souvent des tuteurs qui sont d'ailleurs devenus très chers. Cela étant, un commerce des tuteurs des haricots volubiles a été créé dans certains coins de la province de Gitega. Ainsi, actuellement, un petit fagot de tuteurs pouvant comprendre 20 pièces coûte entre 2 et 3 000 Frambou. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Radio Isanganiro Journal continue. De la province de Bubanza, les habitants de cette province se lamentent de l'état d'effectuer des voies de circulation qui sont presque impraticables dans différents coins de la province. Ils demandent que ces pistes soient réparées afin de faciliter les déplacements de biens et des personnes. Au niveau de l'administration, on reconnaît que ces routes sont endommagées par des pluies intenses et que des réparations sont en cours selon l'administrateur de la commune Gianga, le point avec Space Caritas Kabanyane. Ce sont les habitants de la commune Gihanga qui se lamentent de l'état d'effectuer des routes reliant les différentes collines, causant ainsi quelquefois la hausse du ticket de transport. Ils demandent aux autorités de réparer ces pistes afin de rendre la circulation facile. De son côté, l'administrateur de la commune Gihanga reconnaît que les pluies intenses ont endommagé beaucoup d'infrastructures ces derniers jours, y compris les routes, et que la réparation est en cours, même si ce n'est pas un travail facile suite aux pluies. S'agissant de ces pistes, il y a des pistes, je dirais, la transversale 5 qui relie la RN4, la RN5 à la RN9. Il y a également l'autre piste, Randa, Buramata, Ndababusongo, Gihungwe. Il y a aussi la RN5 à la RN9. Il y a aussi d'autres pistes qui traversent au niveau de différentes collines. Alors, nous n'aurons pas à croiser les bras. Nous avons déjà commencé à sensibiliser la population afin qu'elle puisse également contribuer pour réhabiliter ces pistes comme elle a toujours fait. Récemment, on a tenu un dernier endroit des usages de ces différentes pistes et vraiment, il y a eu espoir. Vous avez déjà commencé à mobiliser des fonds, à chercher des bailleurs. Et en attendant, nous allons écrire des lettres de demande et d'aide, surtout à l'endroit de l'agence routière du Burundi. Nous avons toujours mobilisé les moyens au sein de la population. Également, des gens avec d'âmes charitables vont toujours aider et ont toujours aidé. Nous songeons également au niveau du budget communal. Il met en garde les transporteurs qui veulent rehausser le prix de transport suite à l'état d'effectuer des routes qu'ils seront sanctionnés conformément à la loi une fois attrapés. Space Caritas Kabanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Merci à Space Caritas Kabanyana. Et dans la province de Kayanza, la colline Mufumia de la commune Butaganzwa en province de Kayanza, il y a une coiffeuse qui dit qu'elle exerce ses activités de coiffure depuis déjà 2 ans. Mbazimana Yvette dit avoir entrepris cette activité génératrice de revenus après ses études pour éviter de dépendre de tout son mari. Cette activité lui permet de subvenir à des besoins fondamentaux de la famille. Kanyana Janvier, administrateur communal Butaganzwa, apprécie les activités de cette femme et demande à d'autres femmes de prendre pour modèle en entreprendre elles aussi d'autres projets de développement. Patrick Sengium. Cette femme d'une vingtaine d'années qui tient un salon de coiffure à Mufumia en commune Butaganzwa de la province Kayanza dit avoir entrepris cette activité génératrice de revenus pour ne pas dépendre en tout de son mari, arguant que la femme d'aujourd'hui devrait avoir une part très active dans le développement de son ménage. Yvette Mbazimana, cette coiffeuse à Mufumia, fait savoir que les débuts ne lui ont pas été faciles, mais qu'elle a gardé le courage et dit se réjouir aujourd'hui du pas déjà franchi dans cette activité de coiffure. Elle indique qu'à partir de l'argent qu'elle gagne de ce travail de coiffure, elle pratique l'élevage du petit bétail comme les poules et porcs, à part de contribuer en ce qui est de subvenir à des besoins fondamentaux de tous les jours dans sa famille. Toutefois, Yvette Mbazimana, cette coiffeuse à Mufumia, fait savoir que les principaux défis auxquels elle fait face dans l'exercice de cette activité de coiffure sont le manque du matériel et du courant électrique. Elle appelle d'autres femmes à retrousser les manches et s'atteler massivement aux différentes activités de développement. En ce qui est des projets d'avenir, Yvette Mbazimana précise qu'elle compte arriver loin dans ses activités jusqu'à créer de l'emploi pour d'autres femmes et filles. Au niveau de l'administration communale Butaganzwa, l'on apprécie positivement l'initiative de cette femme coiffeuse d'entreprendre une telle activité génératrice de revenus. Kanyana Janvier, administratrice communale Butaganzwa, indique que dans le but de soutenir les femmes et filles dans leur développement, que la commune qu'elle dirige a déjà voté le budget alloué à cette activité. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengiyumva. Page culture, la poésie intitulée Slam joue un grand rôle dans l'amélioration de l'expression orale et dans la langue française pour des élèves. Propos du directeur du centre jeune Kamenge ce samedi lors de la clôture de la première édition de la compétition de Slam qui a regroupé 90 élèves en provenance des différentes écoles des quartiers nord de la ville de Bujumbura. Abbé Egide Nzeyimana demande à la jeunesse burundaise d'aimer la poésie dans le but d'accroître leur niveau intellectuel. Suivez-les au micro de Jean-Marie Vianney Gendakuma. Cette activité, c'était une activité qui s'intitule Slam, c'est-à-dire une compétition de poésie. Les élèves ont été formés dans les écoles. On avait envoyé des encadreurs, mais sous la supervision du centre jeune Kamenge, voilà, ils viennent de nous montrer le fruit de ce qu'ils ont vécu pendant cette période. Et quelle est la valeur ajoutée de ce projet? La valeur ajoutée de ce projet, c'est que les élèves vont acquérir une connaissance approfondie au niveau de la langue française. Parce qu'à l'école, ils apprennent, oui, la langue, mais avec ce projet SLAM, ils vont quand même développer les compétences, les théories à ce niveau pour développer leur français, développer leur éloquence. Et combien d'élèves qui ont pu participer dans cette compétition? Au total, on avait invité au moins 90 jeunes qui représentent 6 écoles qui ont été choisies pour venir clôturer ces activités ici. Chaque école était représentée par 15 élèves. Et puis après cette première édition, vous comptez vulgariser ce projet ici dans les quartiers du quartier nord? Justement, et nous comptons continuer cette activité parce qu'on est presque au début, mais comme on a vu que les élèves ont beaucoup aimé ce slam, nous allons inviter d'autres écoles à entrer dedans pour que nous ayons justement un nombre suffisant. Et quel appel pourriez-vous lancer aux élèves ou bien à la jeunesse en général? L'appel qu'il faut lancer en fait, ces jours-ci, les élèves, je dirais que leur niveau intellectuel a baissé parce qu'ils n'ont pas le goût de la lecture. Et avec ces clubs slam, nous allons justement avoir une jeunesse plus outillée qu'avant et comme ça, on aura gagné dans ce projet. Page musique, la chanson Bellissima du chanteur burundais Iran Sabiye Fernand, connu sous le sobriquet de DJ Fernando, a remporté ce samedi le premier prix de la compétition Isanganiro Award, 12e édition. Le gagnant remercie à ceux qui ont voté pour lui. Le directeur de la radio-télévision Isanganiro assure que cette station va accompagner les œuvres de cet artiste au cours de toute l'année. De son côté, le ministre de la Communication et des Médias appelle les artistes burundais à travailler minutieusement et vivre des fruits de la musique. Le point avec Mireille Kanyang. Appelé DJ Fernando de son vrai nom Fernand Iran Sabiye, c'est l'heureux gagnant de la compétition Isanganiro Award, la 12e édition. C'est une chanson qui le fait arriver à une autre étape, dit-il. Il adresse ses remerciements à la radio-télévision Isanganiro pour avoir organisé cette compétition. Il remercie également tous ceux qui ont voté pour lui. DJ Fernando n'oublie pas Bellissima, celle qui l'a inspiré lors des cérémonies de la finale de cette compétition ce samedi 23 mars. Charles Makoto, directeur de la radio-télévision Isanganiro, a félicité les artistes en général ayant participé à la dite compétition et en particulier à l'heureux gagnant, promettant encore une fois qu'il va être accompagné pendant une année. Présent à cette finale, le ministre de la Communication et des Médias, Léo Kadinda Chaisaba, a appelé les artistes burundais à travailler sans relâche afin de vivre de leur musique. La troisième place de cette 12e édition du Isanganiro Award revient à Estanish. Diwan occupe la deuxième place. Fernand Aran Sabillé, connu sous le sobriquet de DJ Fernando, succède à l'artiste burundais, ingénieur Emery San, lauréat de la 11e édition. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec Jean-Marie Mayonga. De l'autre côté de la vitrine, Anselme Irambona. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.